sur terre, certains ils vont sans maison, sans raison, sans amour, certains comme ça et le froid sur leur living for today. J'entends encore ton nom. lune de distance. Personne qui ait les bras trop courts, tout le monde espère. Même à l'arrière des arrière-coups, tout le monde veut son billet retour. D'amour, d'amour, d'amour, d'amour, son éclat de chance.

Thank you. Is it me? We